En Corée du Sud, les gens de Busan pour la paix et la réunification ont protesté le 17 contre le commandement des troupes américaines en Corée du Sud, qui a défini les bases américaines au 18e quai du port de Busan, relevant des troupes américaines, comme endroit d'exécution du plan Jupiter, scénario de la guerre biochimique américaine, et proclamé officiellement de le mettre en vigueur. Cette formation souligne que la distribution du bacille du charbon vivant en mai de l'année passée à la base aérienne américaine à Osan, province du Gyeonggi aussi, fait partie de ce programme et condamne les préparatifs de la guerre biochimique des États-Unis menaçant la vie.